بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr ? ليلة القدر خير من ألف شهر. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. سلام هي حتى مطلع الفجر. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube.